Mosaïque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Le débat va porter aujourd'hui sur la place des minorités dans la constitution burundaise. L'article 128 de la constitution burundaise stipule que le gouvernement burundais comprend le premier ministre et les autres. Il est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% des ministres et Hutus et 40% des Tutsis et qu'il est assuré un minimum de 30% de femmes. Pourtant, le Burundi reconnaît trois ethnies, des Hutus, Tutsis et Twa, même si dans cet article, l'ethnie des Twa n'apparaît nulle part. Ici, on se pose des questions. Pourquoi la représentation des Batwa n'est pas évoquée dans cet article comme c'est le cas pour les autres ethnies? Qu'en est-il des autres minorités? Le fait de coopter l'ethnie Twa au sein du Parlement donne quelle impression? Que faire pour que toutes les ethnies soient représentées de façon équitable dans la constitution burundaise? Voici les questions essentielles qui vont faire objet de notre débat mosaïque. Au micro, vous êtes avec moi, Vestine Butoyi, avec trois invités sur le plateau. Il y a Honorable Vital Bambanze, directeur de l'association Unissons pour la promotion des Batwa, une proba en sigle. Monsieur Vital, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Surtout que le débat va porter sur la place des minorités dans la constitution de la République du Burundi. Il y a également Honorable Tassin Sibomana qui est juriste et politicien qui suit de près les accords d'Arusha. Honorable Tassin, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour messieurs avec qui nous allons partager cette émission. Je salue également les téléspectateurs et ceux qui écoutent la radio et la télévision Isanganiro. Enfin, nous avons Anaclet Nzohabonayo qui est le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Monsieur Anaclet, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour cette invitation. Et... À la cabine technique, vous êtes avec Séraphine Hakizimana et Innocent Vibonimana à la réalisation de Médard Niyonkuru. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et pour ouvrir le débat, la première question s'adresse à Honorable Vital Bambanze, qui est le directeur de l'association Unissons pour la promotion des Batwa, une proba en sigle. Quel est votre point de vue par rapport à l'article 128 de la constitution burundaise relatif aux composantes du gouvernement? Moi, en tant que représentant des Batwa, je suis sidéré quand j'entends qu'il y a une constitution qui est censée être la loi fondamentale qui exclut une partie de la population. Donc, je pense que c'est une résultante de la façon dont on a considéré les Batwa depuis longtemps. Donc, c'est une marginalisation, une discrimination et une exclusion qui est constitutionnalisée et instrumentalisée par la loi fondamentale. Donc, je pense que la constitution de la République du Burundi a ce problème. Je pense que ça ne devrait pas être comme ça. Donc, nous pouvons, si on analyse les constitutions, comment elles ont été élaborées et votées, c'est que les législateurs ou les gens qui ont dirigé le pays quelquefois se taillent une constitution selon la place politique, selon le dirigeant. Et cette constitution, je pense qu'elle a été élaborée dans une période où on devrait voir et analyser les accords de paix d'Arusha, comment inclure tous les autres groupes, mais on a pensé que les Batwa ne sont pas des Burundais à part entière. Donc, à votre avis, cet article a quelle incidence sur la représentation des Batwa au sein du gouvernement? Je ne pense pas que ce soit seulement la représentation dans les institutions nationales, mais plutôt la place des Batwa au Burundi en tant que groupe de Burundais, donc en tant que citoyen à part entière. Donc la représentation, c'est quelque chose d'abord de reconnaître que les gens sont des Burundais à part entière. Est-ce que vous n'êtes pas reconnu? Non, on n'est pas reconnu, parce que c'est clair, on a écrit 40% de Tutsi et 60% de Hutus, c'est-à-dire qu'il y a une exclusion totale des Batwa. Pourtant, au sein du Parlement, on dit qu'il doit y avoir trois Batwa. Bon, je pense qu'au niveau du Parlement, c'est un autre élément. Il y a le Parlement, il y a le gouvernement, donc l'exécutif, il y a donc les trois places, donc l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mmh. Donc, c'est-à-dire que au Parlement, oui, mais au niveau du Parlement et l'exécutif, au niveau du Burundi, qui prennent beaucoup plus de décisions? C'est ça la question. Donc, il ne faut pas aller en dehors de ce que nous vivons quotidiennement. Mmh. C'est-à-dire que si on exclut les battoirs au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire qu'on n'a pas des gens comme des gouverneurs, on n'a pas de directeurs généraux, on n'a pas de... Vous avez un ministre. Bon, la ministre, je pense que c'est un cadeau que le président a donné. Parce que s'il décide de l'enlever, il n'y a aucune loi qui la protège. Mm. Donc, c'est une volonté personnelle. Mais ça devrait être reconnu par la loi fondamentale. C'est-à-dire qu'on devait avoir, si on a dit qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il y ait une représentation des ethnies, c'est-à-dire qu'on devrait mettre les battoirs et si on ne veut pas ainsi, on enlève la constitution, on enlève les groupes ethniques, c'est tout comme ça, on saura peut-être, on ne sait pas, dire que tel ou tel autre a été nommé par... les compétences personnelles et c'est ce qu'on veut. Honorable Tassin Siwomana, vous êtes juriste et politicien qui s'intéresse aux accords d'Arusha. À votre avis, d'où émane le contenu de cet article 228 de la Constitution burundaise? Oui, merci. Je pense que s'il faut lire l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha, je peux l'affirmer que l'article 128 tire sa source dans cet esprit et la lettre de l'accord d'Arusha. Parce que, étant quelqu'un qui n'a jamais mis pied là-bas, sautant là, je pressens que les négociateurs se sont beaucoup penchés sur la genèse du problème burundais. Parce qu'effectivement, si on lit correctement l'accord d'Arusha, ils ont commencé à définir la nature du conflit burundais. Et les acteurs clés qui ont été identifiés étaient deux groupes ethniques, à savoir les Tutsis et les Hutus. Je pense que, est-ce un piège, est-ce fait à dessein, je pense qu'ils ont beaucoup été emportés par le souci de résoudre le problème qui s'opposait de façon récurrente entre principalement les deux groupes ethniques composant la société burundaise. Mais dans ce cas, pourquoi l'omission des battoirs? Je te le dis, et je peux même l'affirmer aujourd'hui. Est-ce que de ce temps-là, les conflits qui minaient le Burundi, qui avaient causé tant de morts, tant de dégâts, est-ce que les Tois avaient joué un rôle aussi fondamental que les Hutus et les Tutsis? À la limite, je peux parler du cas que je connais de 93. Il y a certaines provinces où les Tois ont excellé dans les massacres aux côtés des militants du Frodebout. Il y a même d'autres où les Tois ont été neutres ou ont carrément été aux côtés des Tutsis. Ça dépend donc de l'entourage, de l'environnement. Tout cela peut avoir été à l'origine justement de cet oubli, s'il faut le dire. Honorable Bambanza, vous êtes du même avis que Honorable Tassin Siwomana. Personnellement, je suis fondé sur la question des droits de l'homme. Parce que si jamais justement les Hutus et les Tutsis ont excellé dans les assassinats ou faire tomber le pays ou naviguer le pays dans les flaques de sang, ça ne devrait pas être donc une reconnaissance ou un remerciement par rapport au sang qu'ils ont versé des Burundais. Donc, qu'ils auraient tué des Hutus, qu'ils auraient tué des Tutsis, qu'ils auraient tué des Tois. Pour moi, je pense que donc on devrait d'abord punir. Les Tois ont tué notre. Oui, donc le Tois qui a tué devrait être puni par la loi. Oui, oui. Donc, si on dit que c'est par rapport au conflit qu'on a décidé pour dire 60%, 40%, ça ne devrait pas être ainsi. Donc, on devrait d'abord bâtir une constitution sur un Burundi que personne n'aimerait voir. C'est-à-dire un Burundi dirigé par des personnes avec des mains propres. Donc, même dans la constitution, il y a dans les annexes, on parlait qu'on devrait partager les 40% entre les Batois et les Tutsis. Donc, les minorités devraient partager les 40%. Mais parce que les Batois n'étaient pas à Arusha, parce que les Batois étaient vus, justement, comme Tansier le dit, étaient vus comme des personnes qui sont pacifiques, qui vont attendre. On a donné tout simplement aux Tutsis, sans dire que les Batois sont là. Donc, alors, ça depuis 2005 jusqu'à actuellement, où est-ce que vous étiez? Oh my God. Je pense que nous, les Batois, justement, t'en sais là, très bien épinglés. Donc, les Batois sont déjà pacifiques. Les Batois sont des personnes qui ne causent pas d'ennui. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, donc, les Batois doivent attendre. Mais je ne sais pas combien de temps ils vont attendre pour qu'ils soient reconnus. Est-ce qu'ils veulent que les Batois prennent des machettes, prennent des fusils pour qu'ils soient reconnus? Moi, je ne pense pas que je n'inviterai pas les Batois à prendre des armes pour tuer les Hutus ou les Tutsis pour être reconnus. Mais plutôt, il faut qu'on fasse une constitution qui va diriger le Burundi pour que tout le monde se sente bien à l'aise. Et je suis sûr que les jeunes générations à venir des Batois vont se lever pour dire non à cette discrimination. Honorable Tassian Sibomana, honorable Bamanze, vous avez dit d'évoquer la question des minorités. Est-ce qu'il y a d'autres minorités ici au Burundi? Oui, ça en est plein. Il ne faut pas justement penser que les minorités ne sont que ethniques. Mmh. Même si le qualificatif d'ethnie soulève des controverses au niveau des anthropologues ou des historiens. Je ne vais pas me lancer dans ce débat. Mmh. Mais s'il faut parler de minorités, il y en a beaucoup. Ça dépend des circonstances, ça dépend de la période. Laissez-moi, ok, vous allez parler de la minorité des trois, moi je vais parler des minorités de façon générale. Mmh. Et d'ailleurs, pour preuve, on se réfère à la Constitution. Qui sont-elles? La Constitution de 2018 a changé fondamentalement celle de 2005, et précisément le 5 mars, qui avait quand même donné plus une définition plus large des minorités. Mmh. Vous savez, quand on vient d'organiser des élections, il y a ce qu'on appelle les minorités politiques, donc qui n'ont pas gagné les élections. Il y a des minorités religieuses, il y a des minorités ethniques. Et donc, aujourd'hui, tu peux te retrouver de la majorité parce que tu as gagné les élections. Demain, tu te retrouves de la minorité. Quand politique. On parle des minorités ethniques, quelles sont ces ethniques? Ah oui, les minorités, c'est par rapport au nombre. Mm-hmm. Si les nombres qui sont avancés par les colonisateurs et par les tenants de cette idéologie, mm-hmm. il y a un groupe ethnique qui est majoritaire au Burundi, il y a d'autres qui sont moins nombreux. On dit que les Hutus sont majoritaires. Mm-hmm. Il faut parler en termes de nombre. Mm. Les Tutsis peuvent suivre de façon numérique mm-hmm. en termes de nombre. Mm. Les Tois viennent peut-être en troisième, je ne sais pas. Alors, s'il faut me limiter à ce qualificatif de minorité ethnique, on peut parler de ces trois. Mm. Je reviens vers vous, Anaclé Nzohabonayo. Vous êtes le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Quelle est votre analyse par rapport à l'article 128 de la Constitution burundaise? L'article 128 qui consacre les quotas ethniques au niveau du partage des pouvoirs, je crois qu'il faut situer ça dans le contexte historique, mm-hmm. l'origine. Alors, l'origine, ce sont les accords d'Arusha. Il y avait la préoccupation de régler la question des discriminations que certains groupes ethniques, notamment les Hutus et les Tois, subissaient de la part des tenants du pouvoir et qui avaient beaucoup contribué dans le déclenchement de la guerre de 1993. Il fallait alors chercher des garanties qui puissent être prise pour que effectivement cette discrimination puisse cesser, pour qu'il y ait une représentativité au niveau des composantes de la communauté burundaise. Mmh. Ouais. Quand on dit que le gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques et qu'on ne cite que les Hutus et Tutsis, alors qu'il y a également les Batois, ça signifie quoi en matière des droits de l'homme? Bon, je crois que avant de dire peut-être ce que ça signifie en matière de droits de l'homme, c'est peut-être une bonne idée d'expliquer pourquoi en fait on a seulement cité les Tutsis et les Hutus et en partagea soigneusement les quotas. Mm-hmm. Ici, c'est qu'à l'époque, les accords d'Arusha voulaient régler un problème dont les belligérants essentiels été représenté par les deux communautés visées dans cette constitution. Donc au départ, il fallait d'abord résoudre ce conflit-là qui s'opposait entre les deux communautés. Et donc la population batoua qui était là, supposée pacifique ou non, eh bien n'a pas pris une part active dans le conflit de 1993. Voilà pourquoi je me dis qu'ils n'ont pas été tenus en considération. Mais du point de vue droit de l'homme, je pense qu'on peut quand même regretter qu'on ait ignoré quand même une composante de la société burundaise dans la mesure où on reconnaît l'existence des batois. Si bien même ils ne faisaient pas partie des belligérants actifs lors du conflit, il fallait s'attendre à ce que c'est une part du gâteau, je dirais, national qui était en train d'être partagé et qu'il fallait envisager ça. Mais comme on le sait, les forces en présence à ce moment-là ne militaient vraiment pas en faveur de leur inclusion. Pourtant, les femmes ont été représentées au minimum de 30%. Pourquoi la représentation des femmes dans ce même article? Oui, je crois qu'on a voulu tenir compte de l'impact de la guerre, de l'impact des discriminations que subissaient justement les femmes lors de cette guerre, parce que les femmes se sont trouvées au centre du conflit. Est-ce que les batois étaient épargnés pendant la guerre? Les batois, tout comme tout le monde, n'étaient pas épargnés. Mais comme leur rôle a été, toute leur présence a été toujours effacée, et bon, on se disait, bon, voilà, on peut mettre de côté la question des batois de toutes les façons. Maintenant, ça ne s'oppose pas avec beaucoup d'acuité, mais régler ces questions d'inclusion des femmes à raison du rôle que nous avons vu et qu'elles étaient capables de jouer et comment ces femmes pouvaient être en premier impactées justement par la guerre. Et on se disait, on veut aller de l'avant, et si on veut aller de l'avant avec le développement et le règlement de ces questions, il faut nécessairement associer les femmes. Honorable Vital Bambanze, est-ce que lors du processus des accords d'Arusha et des batois étaient présents? Bon, moi je pense que, comme je le disais tantôt, la constitution burundaise était une démonstration de la discrimination. D'abord, je pense qu'il n'y a aucun Mutwa qui a été actif dans les négociations d'Arusha. Je me souviens que Honorable Liberate, qui était la seule parlementaire à l'époque, aurait été là-bas, mais elle était comme observatrice, donc elle n'avait pas droit de prendre la parole pour dire, voilà, nous, les batois, nous avons besoin de ceci ou cela. C'est, je pense, même les trois places à l'Assemblée nationale et trois places au Sénat, ça aurait été dit par Mandela quand il a visité le Burundi et qu'on lui a dit qu'il y a un autre groupe qu'on appelle Batwa. Ah, il a proposé, est-ce que vous pouvez les inclure dans les organes de décision? Et les Hutus tous ont dit, ok, on va leur donner trois places à l'Assemblée nationale. Et, donc ce n'était pas quelque chose qui avait été négocié. Donc c'est une continuation de comprendre que, donc, même si les batois ne participent pas, donc nous, les Hutus et les Tutsis, nous allons décider à leur place, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que cette constitution va être toujours changée selon la volonté de tel ou tel autre dirigeant, ou on devrait avoir une constitution stable, donc qui dirige les Burundais d'aujourd'hui et les Burundais de demain. C'est-à-dire, je pense que nous avons connu des constitutions, selon l'histoire qu'on a étudiée à l'école, la constitution française, après la Révolution française, ils se sont assis et ils ont mis en place une constitution qui dirige la France depuis, je ne me souviens pas de la date maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et nul ne peut toucher sur cette constitution. La constitution des États-Unis après la révolution américaine. Ils se sont assis, ils ont vu qu'ils peuvent mettre en place une constitution qui ne peut pas être touchée par la volonté de tel ou tel autre, selon ce qu'il veut. Donc au Burundi aussi, on devrait avoir une constitution qui ne devrait pas être lue ou vue ou être changée par tel ou tel autre, parce que on veut revoir les histoires ou se venger contre tel ou tel autre. Donc, je pense que maintenant au Burundi, si on analyse bien, tel, quand il est au pouvoir, il veut se venger contre l'autre. C'est-à-dire que après avoir écouté les discussions qu'on a entendues avec la constitution actuelle, on dit donc nous qui sommes au pouvoir, nous n'étions pas à Arusha quand ils ont mis en place cette constitution. Donc, les Frodebou et les Zipronistes, ce sont eux qui ont fait la constitution de 2005, selon ce que j'ai entendu et selon ce que j'ai vu. Mais pourtant, tous les bateaux ont été amenés à voter pour la constitution actuelle. Mais pourquoi vous avez accepté? Moi, je n'ai pas voté pour cette constitution, je n'étais pas là. Heureusement que vous avez au moins ces trois bateaux au sein de l'Assemblée nationale et même au sein du Sénat. Et est-ce que le fait de coopter les trois ou un autre groupe minoritaire dans le gouvernement ou le Parlement, ça donne quelle image? Bon, je pense que la cooptation ne concerne pas les bateaux essentiellement. Parce qu'il y a l'analyse de la représentativité de tous les groupes ethniques sans exclure les femmes. Donc, je pense que bon, c'est une sorte de pensée, certains pères ou blessures du passé pour les bateaux. Mais la question que je me pose encore, c'est de savoir comment on coopte les bateaux maintenant. C'est ça la grande question que j'avais posée. Donc, comment, qui sont les représentants des bateaux maintenant à l'Assemblée nationale et au Sénat? Quel est le rôle qu'ils jouent dans la défense des droits des bateaux maintenant? Parce que la question n'est pas d'être là à l'Assemblée nationale. C'est comment résoudre les questions qui minent le développement socio-économique des bateaux. Parce que moi-même, si je ne suis pas à l'Assemblée nationale, si je ne suis pas au Sénat, mais que je suis bien à l'aise, que je suis respecté dans mes droits, je ne pense pas que je vais aller courir pour être membre de l'Assemblée nationale, même au gouvernement. C'est question de régler les conditions de vie socio-économique de tout citoyen burundais. Je pense que la question n'est pas pour les bateaux seulement. C'est la question d'être dirigé, la question d'être représenté pour d'abord mener une vie saine au niveau de son pays. C'est-à-dire la stabilité, la sécurité, le bien-être économique. C'est ça qu'on veut. Donc, n'étant pas dans les sphères, dans les instances de prise de décision, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qui sont là? Pourquoi ils vont décider? Si on décidait pour une bonne vie de tout, hein, je pense même pas que le conflit allait naître. On n'allait même pas dire, voilà, 50% de militaires Hutu, 50% de militaires Tutsi. C'est parce qu'il y a même là où on mentionne pour éviter des histoires de coups d'État. C'est-à-dire qu'il y a des renversements. On peut prendre le pouvoir comme on veut, mais c'est pour quel sens? Donc, c'est une interpellation. La Constitution, c'est une Bible qui devrait être élu pour que chacun soit protégé par cette loi fondamentale. Alors, ces trois personnes de la communauté bateau qui doivent être au niveau du Parlement sont choisies par qui? Bon, je pense que c'est une question très difficile à répondre. Il y a la CENI, bien sûr, ou qui devrait être indépendante. S'il l'est, c'est bon. Oui, elle ne l'est pas, il ne faut pas avoir peur. Donc, c'est votre avis. Si elle est indépendante, c'est-à-dire que les bateaux devraient nommer des représentants qui sont choisis par la communauté elle-même. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas. Monsieur Honorable Tassin Sibomana, le fait de coopter un groupe minoritaire donne quelle impression? Je commence d'abord par saluer l'analyse de M. Bambanze, l'honorable Bambanze. Effectivement, ça doit être un piège même au sein de l'accord d'Arusha et qui s'est avéré une réalité par la suite des événements. Quand on vous dit vous avez 40% ou 30% ou trois personnes qui vous représentent, qui devraient procéder à la désignation de ces représentants de la communauté, qu'elle soit Batois, qu'elle soit Tutsi ou Hutu. Je me rappelle bien, ce n'est plus un secret, que Dieu ait son âme. J'ai posé la question à feu président Buyoya. J'étais jeune procureur quand il était venu expliquer les principales clauses de l'accord d'Arusha à Gitega. Je me rappelle bien, les gens me prenaient pour un procureur téméraire. Je lui ai posé avec excellence, monsieur le président. Est-ce que maintenant vous avez encore l'attitude de nommer des ministres Tutsi ou Hutu sans vous référer à leur communauté d'appartenance? La question semblait ne pas intéresser beaucoup. Alors quelle a été la réponse? Mais la réalité, c'est, ça se pose maintenant. Et voilà comment Bamba se pose la question. Qui doit coopter ces bateaux? S'il faut coopter, s'il faut désigner les 40, qui doit désigner ces Tutsi qui représentent les Tutsi? Qui doit désigner ces Hutus qui représentent les Hutus? Voilà le nœud du problème. Ça veut dire quoi? Maintenant, c'est le parti. Un militant du CNDD-FDD, qu'il soit toi, qu'il soit Tutsi, qu'il soit Hutu, il répond du parti et non pas de son ethnie. Je réponds en même temps à la question que posait Bamba. Vous croyez qu'un toi qui a été coopté, à moins qu'il soit vraiment un homme de poids, vous croyez qu'il va défendre les intérêts de toi au détriment des intérêts du CNDD-FDD qu'il a coopté? Parce que la CENI qui coopte, c'est une CENI du CNDD-FDD. C'est du CNDD-FDD comme alors que c'est une CENI indépendante. Les preuves abondent. Donc, c'est pour vous dire, le CNDD-FDD qui coopte un toi X ou un Tutsi X ou un Hutu X, il le coopte pour son intérêt, pas pour l'intérêt de la dite communauté. Donc, les minorités dont on parle ne sont pas représentées. Je vais aller directement aux clauses de la Constitution. Voilà pourquoi même la volonté politique a été manifeste quant au refus de la représentation des soi-disant minorités. Maintenant, on a un vice-président de la République. Avec la Constitution de 2005, on avait deux vice-présidents qui avaient des missions bien précises. Le premier vice-président assurait la coordination des services politiques et administratifs. Tandis que le deuxième assurait la coordination des services des ministères socio-économiques. Maintenant, le vice-président de la République n'a aucune attribution constitutionnelle. C'est pourquoi, alors que dans l'ancienne constitution de 2005, il y avait un article qui parlait que les décisions, donc les vice-présidents prennent des décisions par arrêté. Maintenant, on parle de la disposition dont il était question dans la constitution de 2005 n'est reprise maintenant dans la constitution de 2018 que pour le premier ministre, mais pas pour le vice-président. Le vice-président ne prend pas d'arrêté, prend pas de décret. Mais donc, vous comprenez quoi, n'a aucune attribution. Et pourtant, mais en 2005, ce n'est pas pour premier ministre. Ce n'est pas pour ignorer. Non, il y avait deux vice-présidents. Il n'y avait pas de premier ministre. Oui. Un Tutsi qui ne représente rien, qui n'a aucune attribution constitutionnelle. C'est ça que vous voulez dire, que les ethnies sont représentées comment? Mais ils sont dans d'autres ministères. Monsieur Anaclet Nzohabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, quel est votre point de vue par rapport à la cooptation des groupes minoritaires au sein du gouvernement ou du Parlement? Notre avis, comme je l'ai dit tantôt, en tant que militant des droits de l'homme, nous insistons sur le fait qu'il y ait une représentativité pour toutes les couches de la population. Donc la question de cooptation, si on n'entrait pas dans les détails techniques, comment est-ce qu'elle est réglée, pour nous c'est une bonne chose si et seulement si il n'y a pas d'autres mécanismes par lesquels on pourrait passer pour favoriser l'inclusion de toutes les composantes de la communauté burundaise. Vital Bambanzi, la mise en application effective de cet article 128 de la Constitution burundaise engendre quelles conséquences sur la vie des Burundais? Je pense que les conséquences sont visibles. C'est diminuer l'absence totale de débattoir dans les instances de prise de décision. Les décisions qui sont prises, je pense que c'est l'origine même du conflit. C'est le partage équitable des biens de la nation. La République, c'est quoi? C'est la res publica, la chose publique. Donc, si on a mal commencé, c'est-à-dire que la chose publique devrait être la chose publique. C'est-à-dire la publique, c'est le Burundi, Hutu, Tutsi, femme, albinos, handicapé, qui doit être protégé. Donc, cette loi-là fondamentale devrait d'abord protéger les moins nantis. Donc, on a pensé aux femmes, je suis fier de ça. On a oublié totalement d'autres groupes. Et moi, quand on parle de minorités, il y a d'autres minorités qui ne sont même pas visibles. Il y a des personnes qui vivent avec handicap. Il y a des personnes, des albinos, qui sont beaucoup plus victimes de violations de droits de l'homme. Ces gens-là devraient être tenus en considération dans des instances de prise de décision pour qu'ils puissent parler pour le bien-être de tout Murundi. Donc, les conséquences de cette constitution-là, c'est la mauvaise gestion de la nation. C'est-à-dire que le Hutu, quand il est désigné pour être là comme Hutu, c'est-à-dire qu'il va penser beaucoup plus à son ethnie. Le Tutsi qui est là, qui est désigné comme Tutsi, il va beaucoup plus penser à son ethnie. Mm-hmm. Et même dans les décisions qui vont être prises, on va dire, toi tu es Hutu, vous avez déjà eu vos parts, vous êtes de Tutsi, vous avez eu vos parts, donc allez vous taire. C'est-à-dire que même ces Tutsis-là qui sont au pouvoir, ces Hutus qui sont au pouvoir, vont d'abord ne pas penser à la République, donc la chose publique, vont d'abord penser aux places qu'ils occupent dans les instances de prise de décision et les avoirs qu'ils ont là-bas. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup aux avoirs que penser à la nation. Donc on devrait d'abord se dire, si nous sommes des dirigeants, nous dirigeons qui? Donc nous sommes tenus, donc les dirigeants sont tenus à avoir des points de la population qui les dirige. Mmh. C'est-à-dire amener le Burundi vers le développement de ses fils et de ses filles. À votre avis, la présence de ces quotas ethniques dans cet article de la Constitution burundaise n'amène que des inconvénients au lieu des avantages? Bon, moi, je pense que justement, comme je le disais, quand on est nommé et qu'on se voit beaucoup plus dans la casquette de son groupe ethnique, c'est-à-dire qu'on agit beaucoup plus vers cette casquette. Mais si on était nommé ou si on était désigné dans la casquette de citoyen burundais, on penserait beaucoup plus aux autres citoyens burundais. Moi, donc, je voterai pour une constitution inclusive qui reconnaît tous les groupes ethniques, mais ces groupes ethniques qui se voient dans l'image du citoyen burundais. Même question pour vous, honorable Tassin Sibomana. La mise en application effective de cet article 228 de la Constitution burundaise a quel impact sur la vie du pays? Vous parlez de la mise en application ou de la non-mise en application? La mise en application effective telle que l'article est construit. Ok. Malheureusement, elle n'est pas en application, elle n'est pas mise en application. Malheureusement, comment? Parce que même ces quotas dont on parle ne sont pas respectés. Comment les quotas ne sont pas respectés? Je te le dis. Alors que même au niveau des ONG internationales, on oblige qu'on respecte les 60% pour Hutu et maximum 40% pour Tutsi. Dans les services publics, ce n'est plus une préoccupation du pouvoir. Donc, vous comprenez que là où la loi l'exige, ces quotas ne sont pas respectés. Mais là où la loi ne s'y réfère même pas, l'accord d'Arusha ne s'y réfère même pas, on exige qu'on respecte l'accord. Mmh. Alors qu'on le viole impunément, là où il devrait être de stricte application. Mmh. Vous vous basez sur quoi pour dire que l'article n'est pas respecté au sein du gouvernement, dans la mise en place des organes et dirigeants? Vous croyez que le gouvernement se limite au niveau des ministres? Les services parapublics, publics, vous les mettez où? Si ce n'est que les ministres, on peut en faire. Quatre, tout aussi du CNDD, FDD, ou trois du CNDD-FDD, on peut les prendre comme on veut. Est-ce que tous ces CNDD-FDD ne sont pas des Tutsis? Je vous ai dit dès le départ, ils ne vont pas là-bas pour représenter leur groupe ethnique. Mm-hmm. Ils vont là-bas comme grands militants, et même plus militants que les autres, du parti au pouvoir. Alors, si l'article était appliqué de façon effective, ça pourrait quand même résoudre pas mal de problèmes. Parce que tout cela est né justement de l'analyse qu'en fait les négociateurs et signataires de l'accord d'Arusha dans le sens de dire quelle est la genèse du conflit burundais. Toutefois, les quels sont les principaux acteurs? Je reviens à ce que je disais tantôt à l'ouverture de l'émission, et mon ami de la CNDH en a dit un mot, les principaux acteurs du conflit. Donc si l'application était effective, ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Mmh. On a identifié les acteurs principaux des différentes crises. Mmh. Je concède l'approche de Bambaze. Ils peuvent avoir été qualifiés d'auteurs à tort ou à raison. Mais la triste réalité, c'est là. Ils ont été identifiés comme les principaux acteurs. Et l'omission de Batois ne cause aucun souci? L'omission de quoi? De Batois ne cause aucun souci si l'article reste comme ça? Si, je t'ai dit que l'accord d'Arusha étant une invention ou convention inter-burundaise, elle est perfectible. Si en 2008, quand ils ont signé l'accord d'Arusha, les Batois ne représentaient pas une menace et qu'aujourd'hui les Batois s'avèrent une menace, la corde d'Arusha peut être améliorée. Mais malheureusement, même ceux qui avaient identifié lors de la signature et des négociations de la corde d'Arusha comme étant des acteurs clés, maintenant, cette réalité n'est plus tenue en compte. Les compromis de la corde d'Arusha ont été mis à rude preuve et c'est au profit de la réconciliation tant recherchée. Est-ce au profit de la bonne gouvernance politique, économique et sociale? Non du tout. Est-ce qu'ils vont se soucier plus des Batois alors que même les Tutsis sont devenus la risée maintenant? Voilà, quand il y a manque de volonté politique de garder cet élan d'inclusivité, de lutte contre les raisons qui nous ont fait perdre beaucoup de Burundais, qui nous ont fait pleurer pendant des années, je ne vois pas comment... Les Tois peuvent être plus entendus que les autres. Donc, ils vont entendre les Tois dans leur parti politique, mais pas dans leur communauté comme telle. Monsieur Anaclin Zouabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, et la mise en application de cet article 228 de la Constitution burundaise tel qu'il est, aurait quel impact sur la vie et du pays et des citoyens en particulier? D'abord, il faut dire qu'au-delà des arguments de mes collègues ici avec lesquels nous sommes entrés de débattre la question, dans la perspective des droits de l'homme, nous pouvons regretter une chose. Et la chose que l'on peut regretter, c'est quoi? C'est d'appréhender la question de discrimination sur angle uniquement de représentation politique et non pas mettre l'accent sur les intérêts, sur la discrimination qui touche les communautés là en bas. Là, c'est le problème fondamental. Et alors, nous nous disons, est-ce que dans ces quotas, il ne faudrait pas éviter le piège de les concevoir comme des solutions de traitement plutôt que des solutions pour prévenir? Et alors, moi je dis, plutôt que de continuer à traiter seulement, il faut prévenir. Honorable Ambanza a bien dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Et c'est laquelle? C'est justement le sort de ces communautés. Au risque de se trouver à une situation où nous avons un homme politique. Quand il dit Tashi Chiwomana, tous les Tutsis connaissent, du moins c'est cultivé, intellectuel, connaissent Tashi Chiwomana. Si tu dis Bambanze, quand il dit honorable Bambanze, tout le monde sait que celui-là, c'est Mutwa qui est là. Alors, maintenant, est-ce que ceux qui sera représentent réellement les intérêts de ces populations-là? Et c'est pourquoi nous, au niveau de la CNDH, on insiste sur l'idée qu'il faut développer des politiques, développer des programmes. Vous le dites au gouvernement? On le dit à tous les acteurs, le gouvernement y compris, monsieur Tassier. Que les acteurs nous entendent ou nous suivent, ça c'est une autre chose. Mais on le dit quand même. Alors, il faut développer ces programmes d'inclusion. Il faut développer une bonne gouvernance qui met en place des outils qui vont produire des impacts là au niveau de nos souches les plus démunies. Et ces programmes-là, il y en a. Si tout le monde a un accès à l'emploi, si tout le monde a l'accès de participer dans des concours, par exemple, à la fonction publique et qu'il échoue, comment tout le monde peut avoir accès à l'emploi? Je dis si. Le système ne reconnaît. J'ai dit si. Oui. J'ai dit si. Tout le monde ait accès à cette chance. Et donc, on pourrait se dire, oui, là-dedans, il y a une inclusivité. Et donc, qui va au-delà du partage du gâteau entre cette élite qui est toujours là, qui se maintient. Eh bien, croyant que ça représente les intérêts de leur communauté d'origine, alors qu'au fond, il y a cet égoïsme, cette tendance naturelle de privilégier son intérêt privé par rapport aux intérêts des autres. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. Je rappelle que le débat mosaïque continue sur Isanganiro. Il est centré sur la place des minorités dans la constitution burundaise. Trois invités sont toujours avec nous. Il y a Honorable Vitale Bambanze, qui est le directeur de l'association Unissons-nous pour la promotion des débatoires, Uniproba en sigle. Il y a également Honorable Tassin Sibomana, qui est juriste et politicien qui s'intéresse aux accords d'Arusha. Et enfin, Anna Clenzo Rabonayo. Il est le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Alors, pour toutes ces inquiétudes et défis déjà relevés, que faire pour que toutes les ethnies soient représentées de façon équitable dans la constitution burundaise? À vous, monsieur Honorable Tassin Sibomana. Je vais le dire de façon très simple. Mm-hmm. Il faut d'abord que l'accord d'Arusha soit respecté dans les dispositions phares qui avaient milité pour le bannissement de l'exclusion, des génocides et des guerres contre l'humanité. Respecter alors qu'il y a ceux qui ont... Non, je vais y arriver. Mm-hmm. La base, c'est ça. Mm-hmm. C'est des fois des corrections. Je n'ai jamais refusé qu'on améliore l'accord. Mm-hmm. Mais on ne peut pas l'améliorer en niant son fausse fondement. Il faut d'abord que les fondements de l'accord soient bel et bien respectés. En plus, s'il y a des améliorations à faire, les Burundais sont encore là pour en parler. On milite pour la réévaluation de l'accord d'Arusha. Qui dit réévaluation dit... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Nous sommes d'accord avec ça. Mais vous croyez que le système qui nous gouverne aujourd'hui est d'accord? C'est pourquoi je me suis posé la question. Est-ce que réellement ils vont comprendre les sollicitations de la communauté des Batois en ayant nié même les fondements de base de cet accord? Je vous donne un exemple. Alors, au niveau des visas. Alors, s'ils ont nié ce fondement, pourquoi l'existence de cet article qui se réfère aux accords d'Arusha? Je dois vous le dire sincèrement. Si vous regardez les visas de la Constitution de 2018 et que vous comparez avec les visas de celle de 2005, vous allez remarquer que la négation commence par là, au niveau des visas. Et vous allez dans les deux autres dispositions qui parle de la nomination des membres du gouvernement, de leur remplacement, de la démission du vice-président de la République, aujourd'hui, on a préféré en désigner à celui qui n'a aucune attribution. Je suis désolé de le dire. Même si on supprimait son poste... De le répéter plutôt. De le répéter. Même si on supprimait son poste de vice-président, le Burundi n'en souffrirait guère. Parce qu'aujourd'hui, c'est un poste qui... ne bénéficient que des émoluments, que des salaires et des frais d'intendance, alors qu'il n'a aucune attribution constitutionnelle. Ça, c'est il vient dans le tenu qui est différent de celui du président pour représenter voilà les pourquoi il n'a pas d'attribution constitutionnelle. Pour représenter voilà les pourquoi quand même. Il n'a pas d'attribution constitutionnelle. Donc, cette disposition qui parlait justement des modalités de lutte contre l'exclusion, qui parlait finalement d'un climat d'une bonne gouvernance politique, économique et sociale. Et on ne peut pas nier l'inclusivité. Toi, tu parles, tu dis, comme mon ami de la CNIDH, il souhaite que les gens aient accès à l'emploi, aient les mêmes droits. Quand vous niez à une communauté d'être représentée, comment vous allez garantir l'accès libre et équitable à d'autres emplois de la fonction publique? Ça ne va pas de pair. Vous niez déjà la base et vous croyez que le secondaire, c'est ça que vous allez renforcer. J'ai parlé de l'accord d'Arusha qui devait être respecté. Oui, oui. De nous asseoir ensemble pour voir ce qu'il y a à améliorer. Et le cas des Batois serait parmi les améliorations à faire. Si maintenant, on trouve que c'est un des acteurs clés qui peuvent causer le tort au pays, comme ça a été le cas pour les Hutus et Tutsis, il faut trouver une solution à cela. C'est pourquoi, même aujourd'hui, on demande qu'il y ait une séance des politiciens. Selon vous, Honorable Tassin Sibomana, on doit attendre qu'il y ait tort pour qu'on corrige une erreur. Non, justement pas. C'est pourquoi je demande qu'il y ait un cadre d'évaluation. Je n'en ai que faire. Ouais. Il faut que tout ce monde là soit issu du CNDD-FDD pour penser au CNDD-FDD plus que les Hutus qui sont membres. Mais ils sont de Tutsi quand même. Mais il y a aussi. Mais ils sont de Tutsi quand même. Il y a aussi... Heureusement que tu l'avais dit. Est-ce que les toits qui sont cooptés, pensent toi ou pensent c'est mais quand même, il y a quelquefois par où on se retrouve et nous sommes des batois. Moi, je ne me retrouve, ils ne se retrouvent nulle part. Les soucis qui sont celles de DFDD, on se retrouve nulle part. Pourquoi ? 6 ans d'une affaire sociale, on peut se rencontrer dans une levée de deuil. Les soucis qui sont au sein du paradis DFDD. Mais pour d'autres intérêts, soi-disant qu'il va défendre les aînés. Mais à vous écouter, il faudra peut-être attendre la venue d'un Tutsi idéal. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il va venir. Ou la venue d'un toi idéal. Il ne faut pas être la porte-parole. Qui ne soit pas. Non, monsieur Tassé, ce n'est pas une question d'être porte-parole. Il y a des questions à vous, monsieur honorable Vital Bambanze. Que faire pour que la représentation de toutes les ethnies soit une réalité au sein de la Constitution burundaise? Moi, j'écoute souvent les discours de son Excellence, le Président de la République. Souvent, il a dit que les Hutus et les Tutsis ont été injustes envers les Batois et qu'il faut chercher des réparations à ce groupe ethnique. À cause des torts qui ont été mis sur le groupe des Batois. Je l'ai écouté un jour quand tu lui disais que quand tu peux passer par une communauté, on va dire « je suis passé chez les Batois ». Mais on ne dira pas que je suis passé chez les Hutus et les Tutsis. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une conception, une image conceptuelle du groupe des Batois comme des personnes inférieures. Quand on allait à l'école, directement quand tu parles, on dit « ah, c'est un Mutois ». Même le maître qui nous enseignait nous appelait dans le nom de notre groupe ethnique alors qu'on avait des noms qui sont écrits dans le journal de l'école. Mais on t'appelait Mutois. On ne s'asseyait pas avec les autres enfants. On ne buvait pas l'eau de la fontaine avec les autres enfants à l'école. On ne jouait pas. On était marginal. Donc nous qui sommes ici, des Batois, qui pouvons parler le français, qui pouvons être dans ce débat ici, nous ne sommes que des rescapés du système de marginalisation, de discrimination et d'exclusion. Qu'est-ce qui devrait être fait? Les Français ne sont que des rescapés, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Même vous n'avez jamais été battu parce que vous êtes Tutsi. On a été exterminé parce qu'on est Tutsi. Tu parles de bastonnade. Parce que vous aviez tué un président de la République. Nous avons besoin, ce n'est pas un Burundi d'un Hutu, dans Tutsi, dans toi. Je suis d'accord. C'est un Burundi de tous les citoyens burundais et un Burundi où un étranger aimerait vivre. Donc que faire? Donc il faut qu'on change, d'abord qu'on fasse une analyse de tout ce qui a été fait de négatif sur toutes les filles, tous les fils de la nation, pour qu'on puisse bâtir un Burundi sans cette qualification d'assassin. Un Burundi où les Hutus sont jugés comme des Burundais qui développent le Burundi. Des Burundais qui sont des Tutsis, qui veulent développer des Hutus et des Tois. Des Tois qui veulent développer le Burundi. Donc un Burundi où on n'a pas besoin de lire l'article 128. Quand je vais à Kirundo, quand je vais à Karusi, qu'on me voit comme citoyen et que je parle au nom de tous les citoyens burundais. Donc, c'est-à-dire que ce qui devrait être fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on, comme l'a dit Tassien, il faut qu'on se fasse l'idée de qui doivent diriger le pays. Et que ce dirigeant sache bien qu'il dirige pour l'intérêt de la nation, pas pour les intérêts de Mbanze, pas pour les intérêts d'Otassien, pas pour les intérêts d'Anaclé. C'est-à-dire que ce qui doit. Donc les politiciens devraient penser beaucoup plus aux générations futures, parce que nous allons mourir bientôt. Mais il faut que derrière nous, on laisse des traces positive. À vous, Anaclé Nzohabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que toutes les couches soient représentées au sein de la Constitution burundaise? Il faut qu'ils dénoncent d'abord la violation des droits de l'homme. C'est leur mission, madame. Il n'est pas politicien. Il défend les droits de l'homme. Il faut d'abord qu'il défende. Monsieur Tassé, laissez-lui la parole. Monsieur Tassé, je crois que... Comme ça, il aura garanti vraiment la... Je crois qu'ici, nous sommes en train de débattre d'une question précise. Bientôt, il y aura au niveau de la CNDH, je pense. Bon, si vous en êtes averti... S'il est militant du CNDD, pourquoi pas. Mais s'il n'est pas militant du CNDD, il ne saura jamais parce qu'il est moutou. Bon, alors, ce que j'estime être une bonne solution, pour moi, ce n'est pas ces quotas. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que après 20 ans, la situation a tellement évolué. Et pourtant, on reste dans cette situation. Oui, on reste dans cette situation. Il y a toujours des questions. Cette situation ne va jamais terminer parce qu'il est question de partage des ressources publiques. Et alors, il faut que tout le monde y ait accès. Comment? Comment justement? Je ne crois pas que c'est par la cooptation ou les quotas que l'on va arriver à impliquer tout le monde, à tenir compte de tout le monde dans le partage des ressources du pays. Moi, je pense plutôt que nous, au niveau de la CNDH, on met toujours l'accent sur les questions de bonne gouvernance. Promouvoir la bonne gouvernance où le peu qu'il y a, ou beaucoup qu'on trouve, on puisse mettre en place des mécanismes qui garantissent la participation de chaque Burundais jusqu'au bas niveau. Et de cette manière-là, on voit qu'il y a l'équité, il y a la justice. Les quotas, on sait, mais vous imaginez que nous participons dans une compétition avec M. Tassier. J'ai 90%, M. Tassier a 100%, et on retient en accueil 90%. C'est ce qui a été le cas chez vous. Et 90%. Au niveau de votre équipe alors maintenant. Alors que, effectivement, M. Tassier a été plus brillant que moi. Ce sont les résultats contradictoires de l'application, en fait, de ce système-là. Mm-hmm. Et alors, on se dit, comme les autres intervenants, il faut évaluer. Il faut évaluer objectivement. Passer au point toutes ces questions, c'est-à-dire qui doit désigner cet outil et ces Hutus et ces toi idéal qui vont représenter réellement les intérêts de leur communauté et non les intérêts de ceux-là qui les ont désignés. Et aborder ces questions, est-ce que ces quotas ethniques, est-ce que c'est une solution ou c'est un problème? Mais moi, je vois beaucoup plus que ça commence à être un problème plus qu'une solution. Parce que ça avait d'abord été envisagé comme une solution, mais on a oublié qu'à force de rester sur la solution, on va oublier de prévenir, de mettre en place des mécanismes de prévention pour pouvoir empêcher la discrimination de continuer à grandir, de continuer à naître pour qu'on soit toujours dans cette logique de solution au lieu d'avancer. Et voilà, alors c'est par vos interventions que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque qui était centrée sur la place des communautés minoritaires au sein de la constitution burundaise. Sur le plateau, nous étions avec trois invités. Il y a honorable Vital Bambanze qui est le directeur de l'association Unissons-nous pour la promotion Débatois, Uniproba en sigle. Merci de votre participation. Merci de l'invitation et je suis content de ce débat parce que je pense que ça va rappeler aux gens que les Batois sont des Burundais à part entière et qu'ils doivent être représentés d'une façon effective et que nous avons besoin d'un Burundi qui reconnaît la place de tout le monde. Merci également à vous, honorable Tassin Sibomana, juriste et politicien qui s'intéresse aux accords d'Arusha. Merci de m'avoir invité. Je remercie les gens avec qui nous avons partagé l'émission. Je remercie aussi les auditeurs et les téléspectateurs de la RT, de la radio-télévision Isanganiro. Je termine en disant qu'il ne faut pas songer à améliorer, mais alors que les fondamentaux de l'accord d'Arusha sont déjà battus en brèche. Je propose plutôt qu'on fasse une bonne séance et un cadre approprié d'évaluation de l'accord d'Arusha pour qu'on y apporte des améliorations nécessaires et qu'on réinsiste sur la mise en application des fondamentaux qui qui avait suscité tant d'espoir chez le peuple burundais. Merci enfin à vous, Onakre Nzohabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Merci d'abord pour l'invitation. C'était un débat intéressant et qui nous a permis de discuter, de faire le tour de table sur cette question de quotas. Et nous pensons que les quotas ont été intégrés dans les constitutions comme un moyen pour solutionner les problèmes du moment qui sont posés relativement à la discrimination. Sans que ces problèmes soient complètement terminés, il faudrait penser quand même à un traitement préventif et non pas rester uniquement dans le mode curatif. Merci. Merci à Séraphine Hakizimana et Innocent Yvonimana qui étaient à la cabine technique. Et Médard Nyonguru était à la réalisation. Vestine Butoyi, j'étais à la présentation. Au revoir. Restez branchés sur Isanganiro. Les programmes continuent. Mosaïque.